Le groupe Belussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Week-end, après ce stoppage musical, et c'est vrai que ça nous a amené jusqu'à 18h30, j'espère que vous allez bien, si vous rentrez du boulot, tout se passe très bien pour l'instant, vous êtes bien calés sur Fly FM, restez-y, 1h30 de sport, toute l'équipe est autour de moi, mais il faut toujours savoir si un technicien est derrière la console, il s'appelle Gilles ce soir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va Gilles, ce week-end a été bien? Voilà, un peu de rugby avec toi. Ouais, c'était bien, on était au stade des Verdoux, je peux vous assurer qu'on a eu des coupures, mais c'est parce que le sujet était tellement intense qu'on n'a pas pu suivre. Alors on va juste demander si mon acolyte Jean-Yves va bien. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je vais très très très très bien. Allez, on retrouvera Ludo Titeux dans quelques minutes à nos côtés, Ludo qui doit venir nous rejoindre, on aura aussi notre ami Bip Bip Bougon, il a toujours le retard, c'est pour ça qu'on l'appelle Bip Bip, parce qu'il est vraiment à l'heure. Et peut-être Henri qui viendra nous dire un petit bonjour, il en est très heureux ce soir d'avoir avec nous Marie qui fait son grand retour. Bonsoir à tout le monde. Allez Marie, on va y aller pour le sommaire de cette émission. Vous êtes prêts, 1h30 de sport, c'est dans Top Chrono et on va parler bien sûr toute l'actualité sportive de ce week-end. Je vais y arriver à force. Alors, nous parlerons de rugby à 15 en Fédéral 2, la SBC Auverdo, copie à revoir devant Montélimar. Handball, on est champion du monde pour la 6e fois. Du foot, tous les résultats avec GFoot 84 et Henri. Volleyball, les clubs vauclusiens ont-ils gagné? De l'athlétisme avec Bibi Bougon. Et à 19h20, vers 19h20, nous aurons Horizon Motoball. Après ce titre de champion de France, les Jaguars de Monteux préparent la saison. Pour en parler, Alain Lempereur et Eric Palaillet seront nos invités. Voilà, on est parti pour 1h30 de sport. Et en musique, c'est du... Top Chrono, rugby à 15. Allez, rugby à 15, on va parler un petit peu de cette Fédérale 2 parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Petit clin d'œil aussi pour nos petits Vauclusiens qui évoluent en Pro D2. Ce soir, ça changera un petit peu. Colomiers est allé gagner du côté de Narbonne 16-10. C'est Florian Cazenave, on y passe un petit bonjour. Et du côté de Béziers qui a gagné face à Aurillac 25-9. Béziers qui se sort un petit peu de ce mauvais pas puisqu'ils étaient en bas du classement. Aujourd'hui, ils sont 13e. Et c'est un petit bonjour à Lucas Damignani. Revenons dans cette Fédérale 2 pour le 4. J'arrive 4 matchs au programme, puisqu'il y a bien sûr toujours un impair. Et ça, c'est compliqué, puisque si on y regarde de très près, Bédarit jouera à l'extérieur la semaine prochaine. Et après, pendant un mois, ça sera promenade au soleil. Ouais, Fred, encore une fois, le championnat de Fédéral 3, c'est trois matchs, une coupure, de Fédéral 2 pour le 4. Il y a toujours des coupures. Là, on est au troisième match. Il va probablement y avoir une coupure. Et puis après, on retrouvera la semaine prochaine, il y aura un match Bédarit au Tricastin. Et puis après, il y aura une coupure d'une semaine ou deux. Et puis, on renchaînera à nouveau. Ce bloc-là, Fred, est très, très compliqué pour les Bédaridés. D'ordinaire, tous les retours à la compétition sont souvent compliqués pour les Bédaridés. Là, ce coup-ci, il y a un bloc assez difficile à négocier. On savait qu'il serait compliqué, hein, puisqu'ils se sont déplacés chez le premier. Ils se sont déplacés chez le second. Ils ont reçu le dernier, mais finalement, qui s'est avéré être un match compliqué. Puis on se déplace à nouveau à Tricastin la semaine prochaine. Va falloir commencer à prendre des points et beaucoup de points. Revenons sur cette 11e journée de championnat. Il y avait les résultats et c'est Marie qui nous les communique. Alors, Saint-Jean-Royant, Nice, 26-16. Saint-Raphaël-Fréjus, Voiron, 15-25. Tricastin-Château-Renard, 23-28. Bédarit-Château-Montélimar, 20-16. Premier Château-Renard, deuxième Hyères-Carqueyranne. Troisième Bédarit-Château sur 9. Allez, on va revenir sur cette rencontre de Fédéral 2. Bien sûr, la SBC qui recevait Montélimar, ce devait être qu'une promenade de santé, vu l'écart qu'il y a au niveau du classement général, mais aussi de la qualité des joueurs. Eh bien, ça ne sort à rien du tout, parce que ce match a été très, très compliqué. Et avant de revenir sur l'analyse avec Jean-Yves sur cette rencontre, je vous propose d'écouter l'arrière de la SBC. qui nous trace un petit peu le tableau. Et juste derrière, on écoutera Mikhaël Babylon, l'entraîneur des lignes arrières. Lui aussi était pas trop flambant envers ses joueurs et envers le jeu qu'on prodiguait la SBC cet après-midi. Je vous propose les deux sons avec, pour démarrer, Jonathan Franquin. Oui, un petit peu sur la côte. Jonathan, compliqué, on te démarre quoi. Compliqué. On rentre pas dans le match. On se fait. Puis il y a des trucs qui sont vraiment flagrants. Quoi. On se fait arracher des ballons au contact. On se fait bouger dans des recs. On perd des ballons au sol. On perd des ballons. On fait des ballons portés. On est trois debout comme des i. On se fait arracher le ballon pendant un quart d'heure. Si on fait ça, c'est sûr que on peut jouer une fédérale 3, une quatrième série. Et on gagnera pas. Il a fallu 30 minutes pour s'y mettre. Montélimar, ils ont progressé. Hein, c'est certain dans le combat, dans la dynamique dans laquelle ils sont. Ils restent sur 3 victoires, je crois. Nous, c'est l'inverse. La dynamique, elle était négative. Bon, on a gagné. Pour moi, on s'en sort pas trop mal. On a montré quand même des bonnes choses par moment, surtout en deuxième mi-temps, dans le mouvement, dans le jeu. On marque des essais intéressants. En deuxième mi-temps, je crois que les deux essais qu'il y a, c'est intéressant. Ouais, c'est en bout de ligne. C'est construit après des temps de jeu, donc il faut garder aussi le positif. Mais il va falloir se dire que il va falloir à un moment donné qu'on fasse 80 minutes quoi, sur un match, parce que c'est pas le cas pour l'instant. Ouais, la première mi-temps, je crois que celle-là par contre, arrêter des ballons, des passes, mais pas de mouvement, pas de joueurs lancés. On se dit qu'est-ce qui se passe quoi. Ah ouais, et puis pas souveraine dans les phases de conquête, pas souveraine dans le jeu au sol. Et aujourd'hui, de toute façon, le jeu au sol, quel que soit le niveau, c'est trop important. Et là, on se fait bouger, les soutiens sont en retard, les mecs prennent le ballon avec une pseudo-envie d'aller faire un truc. On se fait arracher des ballons, on est chez nous, ils viennent une fois chez nous, ils marquent. Voilà. C'était pas dû un petit peu aussi à ces deux défaites, hein. Vous n'avez pas un petit peu, on va pas dire dans le saut, mais déjà vous commencez à vous douter un petit peu, non? Vous êtes rentré avec une impression aujourd'hui? Ouais, moi j'ai un peu cette impression-là. Surtout que, en fait, si on regarde comptablement ces deux défaites, si elles arrivent à 3 mois d'intervalle, une défaite à Château-Renard et une défaite à Carqueiran, je pense qu'il n'y a pas le feu. Mais comme elles sont les deux d'affilée après 2 mois de trêve, tout le monde nous tape un peu dessus et tout le monde dit, bon, mais voilà, Béda, ils ont fait leur match à la maison, maintenant ils sont plus dedans. Donc franchement, ouais, sur le premier quart d'heure, j'ai pas reconnu mon équipe dans ce côté, d'une fébrilité et un manque d'engagement, mais ouais, peut-être dû à un peu la frousse, un peu la fébrilité, voilà. Alors Mikhaël Babylon, maintenant on va parler un petit peu cette partie. Je pense que tu avais peut-être un petit coup de gueule à dire en fin de match, mais c'est quoi? C'est les joueurs avaient deux défaites, une envie de se racheter, et à la fois ils sont pas rentrés dans ce match, il me semble. C'est sûr qu'au premier mi-temps, on peut l'oublier, ça c'est sûr et certain. Après, on se pose des questions. Je ne sais pas où ils ont retrouvé la dynamique et pour notre faveur, on a perdu 2 matchs, qu'on a perdu des points, on est frustré et là, on n'attaque pas le match comme il faut. Après, sincèrement, je vais fixer déjà l'équipe de Montélimar parce que quand même, elle est peut-être dernière, mais bon, moi je trouve qu'elle a gagné hier, la semaine dernière, et aujourd'hui, ils nous ont proposé quand même un beau match. Après, nous, on n'arrive plus à mettre notre jeu en place, l'intensité. Et en premier mi-temps, c'était compliqué, on manquait un peu de leader. Voilà. Vous avez perdu ce capitaine, Guillaume Marquis. Est-ce que là, on va arriver un petit peu à retrouver un leadership qui a mené? Parce que bon, tu connais son poste de talonneur, hein, c'est quelque chose d'important. Oui, en fait, mais encore que Flo Agro, il fait ses matchs, mais après, c'est dans le leader naturel de l'équipe, dans le liant, c'est vrai qu'on a perdu un peu ça. Donc on va essayer de chercher un peu les solutions. Après, on s'en sort, on fait une deuxième mi-temps plus aboutie, on marque 3 essais, on est à 2 doigts de marquer avec le bonus, on fait encore quelques erreurs, mais parce que... Voilà, après, maintenant, l'essentiel est fait. C'est vrai qu'en début de match, j'aurais préféré qu'on prenne 5 points, parce que quand je vois que Château gagne à Tricastin, tout le monde part, et là, maintenant, il ne faut plus louper le train, sinon ben, les deux premières places vont être compliquées. Donc, voilà. Tu es entraîneur de la SBC. Moi, je note depuis plusieurs rencontres, du jeu ambitieux, une belle formation, toujours en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Et on lâche les matchs à 2-3 minutes du coup du sifflet final. C'est quoi ce petit problème qu'il y a? Si, on peut y avoir un problème. Oh, ouais, sur les deux matchs extérieurs, il y a eu des petits soucis en fin de match. À chaque fois, on a le bonus défensif, on n'est pas loin et on fait des mauvais choix. En fait, on fait des mauvais choix. C'est là où nos leaders devraient prendre le dessus, assurer le point de défensif comme Montélimar aujourd'hui. Ils ne sont pas joués, ils auraient pu essayer de chercher de jouer pour gagner. Ils ont dit on a le bonus, et ben voilà, on a le bonus, c'est déjà pas mal. Et voilà, on manque cette froideur, voilà, de tuer les matchs même avant. Donc il faut essayer de garder le positif. Voilà, on a pu revenir d'une situation qui était plus que compliquée. Voilà, bon, la saison est encore longue et il suffit qu'on... Maintenant, il faudra faire moins, plus discipliné, parce que quand même, leur buteur, s'il y a la faille en quille, on est encore un peu moins bien. Voilà, et dernier bloc, là, il faut les gagner à Tricastin presque absolument maintenant. Tricastin a toujours eu du mal face à la SBC, et la SBC s'est relevée toujours à Tricastin. Est-ce que ça sera le cas dimanche prochain? Ah, j'espère bien. Après, Tricastin, dans une période où ils perdent deux fois chez eux, là, c'est maintien absolu pour eux maintenant. Donc ça va être un match compliqué. Mais ouais, j'espère que là, nous, il faut qu'on enclenche la dynamique victoire comme le match aller. Voilà, on va revenir un petit peu sur cette rencontre. C'est vrai qu'on a pu écouter l'arrière Jonathan Franquin et puis Michael Babylon. Sandy Long, un petit peu sur, pas un début de crise, mais une équipe qui est presque pas aux abois, mais qu'il va falloir qu'ils retrouvent un petit peu d'oxygène pour pouvoir se sortir de cette spirale dont ils bafouent un petit peu leur vue bien en ce moment, ça me semble. Écoute Fred, ce que dit Franquin, qui est un garçon sensé et intelligent, c'est rien de plus que ce qu'on a vu la semaine dernière à Château-Renard. C'est rien de plus que Victor Langlade, le capitaine, nous a dit à la fin du match. C'est une équipe qui doute pour plein de raisons. Alors, il n'y a aucune raison que cette équipe doute, parce que ils sont troisième au classement, il n'y a pas le feu à la maison, il n'y a pas de... Sauf que ils ont perdu leur leader. On dirait que cette équipe, du coup, c'était comme une espèce de bateau ivre. En fait, il n'y a plus de capitaine, il n'y a plus personne qui est capable de commander, en tout cas qui a les épaules pour commander et pour remettre tout le monde dans le sens de la marche. Et puis encore une fois, c'est une équipe qui, comme le disait là Mika Babylon, ils n'ont pas la froideur, le sang froid pour aller finir de crever les types quand ils sont à terre. Et le rugby, c'est d'abord un sport de combat, c'est d'abord un sport où... Alors peu importe le contenu du match, c'est pas la question, mais tu as une équipe qui est dernière, qui arrive, qui est un beau abois, et on n'est pas capable, une fois de plus, comme on l'avait noté contre d'autres équipes. Pour revenir un petit peu sur cette rencontre, c'est vrai que j'ai assisté à cette rencontre. À un certain moment, là, ça va un petit peu t'aiguiller et t'éclairer un petit peu sur le mal qu'il y a en ce moment à la SBC. Trois pénales touches, on n'est pas capable de récupérer le ballon. Ils nous chippent les ballons dans les regroupements et ils arrivent à se dégager. À l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière, dans les cinq dernières minutes. On gagne le ballon en touche. Oui. Quand on arrive sur le regroupement, on se fait passer par-dessus et c'est encore Montélimar qui récupère le ballon. C'est incompréhensible, Fred. C'est juste incompréhensible parce que je peux pas imaginer que les entraîneurs qu'on a encensés il y a trois mois soient devenus mauvais du jour au lendemain. C'est pas possible. Ces mecs-là sont bons. Les joueurs qui étaient premiers début décembre ne sont pas devenus mauvais du jour au lendemain. C'est impossible. Il y a juste, tu sais, un truc qui a l'air cassé. Alors, est-ce que les joueurs ont besoin de travailler plus? Probablement. Physiquement, on les a vus la semaine dernière, ils sont un peu à la ramasse. Hier, c'est un peu le cas aussi. Manifestement, ils ont du mal à terminer. C'est compliqué. On voit Chourou qui est à la peine. On voit ce gamin derrière qui ne rentre pas, qui ne va pas chercher les ballons, qui n'arrive pas à lancer, je veux dire, tu vois, pour affronter le premier rideau défensif. On vient se poser dans cette défense qui est bien organisée du côté de Montélimar, mais quelque part, on n'a pas ce lien, on n'a pas ce tranchant. On ne trouve pas de solution, et encore une fois, alors tu parles de Florian Chourou, c'est un mec qui a des qualités extraordinaires. C'est un très bon joueur, un jeune joueur, mais c'est un très bon joueur. Mais probablement que Flo Chourou, dans cette situation-là, eh bien, c'est compliqué pour lui parce qu'il se retrouve à être obligé de prendre les clés du camion alors qu'il vient juste d'avoir le permis. L'image est un peu celle-là, si tu veux. On lui demande d'être le big boss, presque, des lignes arrières. Mais Flo Chourou, il a 20 ans et c'est pas un mauvais gamin. C'est juste, il a des qualités extraordinaires. Celui qui avait la clé du camion hier, c'était Frédéric Roche. À la rentrée de Frédéric Roche, tout a basculé. Il a retrouvé, on va dire, les deux frères Chouchan, et qui jouent aussi aux 13 à Entraigue. Et bien, c'est eux qui ont été le tranchant de l'équipe. Bon, Mathias se fait la cerise tout seul, à un moment, par sa qualité, par le personnage. On est sur de l'exploit individuel, presque. Ouais. On n'est pas sur du concret, du construit, du verrouillé. Tu as une équipe, alors, tant mieux, on s'en sort grâce à un exploit individuel de Mathias. soit dit en passant, Mathias qui bizarrement recommence à briller, c'est bizarre, il retrouve sa place ce garçon. Ça c'est un fait, mais c'est un exploit personnel de Mathias. Par contre, on laisse encore des points en cours de route, des points au pied. On termine 16-20, et bien sûr, qu'est-ce qui nous manque? Le point de bonus offensif. Si on fait un petit pointage, aujourd'hui, hier, Carqueran, deuxième du classement, ont pris depuis le début de la saison 8 points de bonus. Nous, on est troisième, alors on n'est pas très loin, on est à 4 points derrière, mais on n'a que 3 points de bonus. Ces points-là, Fred, on le dit depuis le début de la saison, tu le sais, c'est mon dada, les points de bonus, ils ont été faits pour justement parce que c'est des points faciles, quelque part, entre guillemets, à prendre. 8 points de bonus, c'est 2 victoires. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, il va falloir espérer voir quelque chose de mieux du côté de Tricastin. Alors là, mais bon. Là au Tricastin, mais c'est pas compliqué, il te faut y aller, gagner, leur mettre le compte, prendre le point de bonus, empêcher qu'eux le prennent, le point de bonus défensif. Alors, Jean-Yves, tiens, je te coupe encore une fois, juste pour revenir, parce que tu es en train d'annoncer un petit peu ce qui va se passer du côté de Tricastin. Ce que c'est vrai qu'il se passe. Et voilà, il faut savoir que ce soir, peut-être, Momo Agog a une rupture du tendon d'Achille, ce qui veut dire la saison terminée pour lui. Ouais, Momo Agog, dans l'esprit des coachs, il n'est pas un maillon essentiel. Enfin, en tout cas, il n'est pas le premier choix. Le premier choix, on l'a bien vu. Au centre, c'est Bogossia et Mortelette. Momo, il amène quelque chose quand il rentre, mais il amène dans son registre. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Ce n'est pas le registre que les mecs ont, les deux coachs ont choisi. C'est malheureux pour Momo parce que dans son registre, il ne fait pas une mauvaise saison. Il fatigue un petit peu les défenses. La semaine dernière, quand il rentre dans la tronche des défenseurs, il les abîme, il libère un peu des espaces autour de lui. Mais voilà, les blessures à ce sport font partie du on va dire du lot. Et c'est malheureux pour Momo, mais il faudra être très, très prudent parce que hier soir il partait pour l'IRM et voir un petit peu la radio. Mais d'après le premier kiné, la première constance, c'est rupture du tendon d'Achille. Ouais, j'ai entendu parler de ça aussi. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Il en a pour, si c'est le tendon, 6 mois. Il a terminé la saison et début de saison prochaine, presque un peu compromis. En tout cas, l'essentiel, c'est juste que ces mecs-là doivent presque se remettre, se renfermer sur eux-mêmes, retrouver un mental, je dirais moins retrouver un patron entre guillemets, mais sur le terrain. Encore une fois, c'est pas Victor qui est le problème, il fait le job, Victor. C'est juste que remplacer Guillaume Marquis, c'est très très très compliqué. Et là, la semaine prochaine, il faut aller à Montélimar avec un mental de tueur. Il faut prendre le complet la semaine prochaine, le bonus, le machin. Et on se languit la semaine prochaine, d'écouter pour terminer un petit peu cette analyse, de voir un petit peu la réaction du président. Apparemment, un nouveau homme fort est arrivé à la SBC. Qu'est-ce qu'il est venu faire? La bonne question est déjà lancée pour ma part. Peut-être que lui va amener le fameux 16e homme qui manque dans cette équipe pour pouvoir renverser les montagnes. J'y crois pas trop, mais si, on aura une demande de réponse par le président, peut-être. Si Philippe l'a fait venir, si Philippe Damignani a fait venir la personne en question, qui a un passé, qui a un CV, qui a fait déjà des belles choses, Philippe doit avoir son idée. Oui, on espère avoir une demande de réponse. Oui, effectivement, tu as raison, on espère que l'idée de Philippe sera la bonne. Pourquoi pas, il a peut-être son idée. En tout cas, ça fait une semaine qu'il est au club et on n'a rien vu. Moi, j'ai dans l'idée que c'est plus au niveau des têtes que ça va se jouer plutôt que sur le terrain à proprement parler. Voilà pour la page rugby de Fédéral 2. Et on peut juste voir le classement avec Marie. Et on peut s'apercevoir que la SBC est bien troisième. Oui, Bédari, le château est troisième. Voilà, c'est tout, pas plus. Ah ben écoutez, si vous voulez, on passe à la pub. Juste avant de laisser la parole à nos invités qui viennent de rentrer. Non, je plaisante, Ludo. Allez. Top chrono, rugby à 15. Allez, on reste dans le rugby à 15, on va voir un petit peu les résultats de la Fédérale 3, la poule 9, la poule 10, et dans le tout, ben, on fera un pactage avec le championnat PACA, honneur. Allons-y pour la poule 9. Alors, Privas Ampuy, 17-6, Ber Martigues, 37-16, Givors Beaurepaire, 33-5, Avignon-le-Pontet-Émeu, 21-13. Les premiers, c'est Ber, et puis Avignon-le-Pontet se situe 7e sur 10. La poule 10, Palavas-Lille-sur-Sorgue, Ah ben, c'est pas communiqué. Cavaillon-Valgapo, 20-24. Et Bastia, ex-université, 25-22. Il y a beaucoup de matchs qui ont été remis. Et oui, il pleuvait. Voilà. Donc, La Valette est premier. Cavaillon est troisième. L'Île-sur-Sorgue est quatrième. Pour les championnats PACA d'honneur, Saint-Saturnin-Salon de Provence, ben, reporté. Uzès-Monaco, 28-29. RC Draguignan-Valréas, 25. Sisteron-le-Mourillon, 36-12. Et Saint-Laurentin-Fosse-Istres, 91-12. Je vois que Monteux a également été reporté. Donc, pour les classements, Monteux se situe quatrième. Et Valréas, cinquième. Saint-Saturnin, 7e sur 12. Merci Marie, on revient deux minutes Jean-Yves sur deux résultats qui m'ont interpellé, un dans la poule 9 avec le Ponté qui a fait le strict minimum pour gagner et à la sortie ben, ils sont pas sauvés mais pour l'instant ils tiennent le bateau à flot, eux qu'on les voyait déjà presque en honneur PAC hein. Ouais Fred, ils ont le Ponté là ils ont 20 points dont 8 de bonus. Ça les met tranquilles parce que s'ils n'avaient pas ces points de bonus, encore une fois, ils seraient derniers. Là, ils ont, sur 12 matchs joués, ils ont à peine 3 victoires. Mais c'est clair. Mais ils ont gratté à chaque fois, gratté. Tiens, on en revient toujours au même, hein, mais ils vont se sauver, le Ponté va se sauver, tant mieux d'ailleurs. Mais le Ponté va se sauver grâce à ces points de bonus. Les Angles n'a pas joué ce week-end, ils n'ont que 11 matchs. Là aussi, c'est pareil, ils sont troisième, c'est plutôt un excellent résultat. Il faut un bon championnat pour une équipe qui remonte à peine à ce niveau-là. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Et Cavaillon qui se fait surprendre à domicile par cette équipe de la vallée de Gapo, hein, et bien voilà quoi. Ouais, les Varrois, quand ça se déplace, c'est. tu sais que les Varrois. C'est compliqué d'aller gagner chez eux, mais ils s'en foutent, ils veulent quand même venir gagner chez toi. Donc, ben voilà, ils sont venus, ils font le job. Ils repartent avec une victoire sur le terrain de Cavaillon. C'est pas très grave, ça met pas en péril les espoirs de Cavaillon, puisque Cavaillon est toujours troisième. Mais en tout cas, c'est là aussi une petite alerte. On sera très vigilants. Voilà pour le rugby à 15, rugby à 13. Mais... Top chrono, rugby à 13. Tiens, on va parler rugby à 13, on va déjà dire bonsoir à Ludo. Bonsoir Ludo, comment tu vas? Bonsoir Ludo, titeux ce soir avec nous. Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. Bonsoir Jean-Yves, tu m'as manqué, tu sais. Ouais, et pareil. Écoutez, messieurs, on va vous laisser en communauté restreinte, on va vous laisser parler de rugby à 13 et nous donner un petit peu toutes les infos qui nous manquent. Alors les infos, si vous permettez, moi j'ai fait un petit focus sur le match d'hier qui opposait donc le SOA à Villeneuve-sur-Lot. Donc Avignon sortait de deux défaites. Allô, 1-2. Oui. Ouais, deux défaites à l'extérieur, donc une en coupe contre Carcassonne et une en championnat contre Lézignan. Donc il se devait à cœur. De jouer à Saint-Ruf et de gagner ce match pour rester dans le haut du classement. Donc j'ai interrogé des anciens collègues à moi et notamment le capitaine qui me délivre à la fin de son message une interrogation sur la fin de sa carrière. Donc on n'a pas de nom. Le capitaine par intérim. Alors moi ce que j'aimerais c'est des noms. Le capitaine par intérim. Donc qui est Joris Cagnac pour le nommer. Donc voilà, il me dit que c'est la victoire de ce week-end est faite, le contrat est rempli, mais on aurait dû faire un match meilleur. Néanmoins, Villeneuve s'est bien renforcé cette saison. Il reste une belle équipe. C'est vrai que les Villeneuvois depuis tout temps, ça a toujours été des mecs qui s'accrochent chez eux. C'est très difficile d'aller chercher une victoire. En plus de la route, on tombe souvent contre des joueurs qui ont faim et qui font mal. Donc c'est vrai que c'est une équipe dure à diriger, à manier, que ce soit à l'extérieur ou quand on les reçoit. Après, j'ai pu avoir l'avis de Johan Veve, qui est malheureusement blessé pour 6 semaines, avec une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il s'est blessé à Lézignan il y a 2 week-ends de ça. Donc lui aussi dit un peu ce que le capitaine Cagnac relève. C'est que la gestion de la première mi-temps a bien été faite par le groupe. Il rentre à la mi-temps avec un score de 24 à 10. Puis il me dit qu'il y a un retour des vestiaires qui est difficile. Et il me dit même un relâchement coupable de l'équipe, Ce qui a perturbé la rencontre, et Villeneuve a joué son rôle de perturbateur avec un jeu dur et brouillon, ce qui nous a mis en difficulté. Donc c'est vrai qu'en début de seconde mi-temps, Avignon prend deux essais en moins de 10 minutes. Et Ludo, mais c'est un peu le mal. Là, pareil que pour nos amis Bédaridé, mais c'est un petit peu le mal parce que la semaine dernière en coupe, ils tournent à 14-14 à la mi-temps, ils explosent un petit peu en seconde mi-temps. À Lézignan, c'est la même. Il y a probablement un problème physique là aussi du côté du SOA parce qu'ils explosent souvent entre la 40e et la 60e. Est-ce que les mi-temps sont mal gérés? Enfin, en tout cas, mal gérés, c'est pas le cas, mais en tout cas, physiquement, ils ont une creux à ce moment-là. Alors pour le moment, ça ne met pas en cause la saison, puisque ils ne sont pas reculés au classement, ils sont toujours 5e. Juste avec dans le même nombre de points que le 13 catalan, mais qui a un match en moins. Mais effectivement, il va falloir apprendre à gérer un petit peu mieux ces temps. C'est délicat, effectivement. Après, est-ce que la trêve de décembre a été un peu trop longue et les organismes ont souffert Non, c'est juste qu'il ne faut pas perdre de vue qu'ils jouent sans Olivier Arnaud, ouais, pièce maîtresse. Ils jouent sans Joris Bissia, pièce maîtresse. Ils jouent sans Johan Vev, voilà, pièce maîtresse. Et puis à un moment, remplacer trois de ces mecs-là dans un collectif qui est aussi peu alimenté, en tout cas où il n'y a pas pléthore de mecs de cette qualité, ça manque. Et c'est pas complètement normal qu'ils éprouvent des difficultés. En coupe, on peut comprendre qu'il y a eu une espèce d'impasse. Ouais. À Lézignan, il leur manquait déjà ces deux joueurs. Ces deux joueurs, ouais. Et puis hier, heureusement que c'est contre Villeneuve, parce que si tu joues comme ça contre un des trois ou quatre gros du championnat, et peut-être que tu ressors avec un peu mal partout. Ouais, après, c'est vrai qu'ils perdent pas sur des. Mis à part Carcassonne en coupe où ils perdent 34-14, voilà, il y avait un point de différence. Après, à Lézignan, il n'y a que 10 points, ils perdent 50-38. Allez, on a deux points pris, ça fait. Donc c'est les deux grosses équipes du championnat, je sais pas. Alors après, enfin, encore une fois, et on va couper là-dessus pour le SOA, Ludo, mais il n'y a pas le feu au lac, quoi. Ils sont cinquième, cinquième avec un match d'avance sur le quatrième, mais voilà, pour le moment tout va bien, sauf que ils avaient annoncé vouloir finir dans les quatre, ouais, et qu'il va falloir aller chercher les Catalans. Il n'y a jamais que 3 points d'écart. Tout à fait. Fred ? Oui, messieurs, bah, écoutez, je suis parti déjà dans un autre sport, je vous ai écouté. Je crois que vous avez raison. Par contre, moi, ce qui me plaît, c'est l'élite 2, là, que c'est ouais, passé du côté des Taureaux, là. Ouais, parce qu'ils ont gagné du côté de Villefranche. 35-20, tiens, voilà, Carpentras qui se réveille. Carpentras, c'est une équipe à réaction, hein. Tu sais jamais ce qu'ils vont aller faire. On parle toujours du mental de ces Carpentrassiens, et l'an dernier ils ont fait le coup toute la saison. Ils sont capables de prendre 40 points à la maison, et puis la semaine d'après ils vont gagner chez le leader. Ils vont aller se peler le leader sans que tu comprennes ce qui s'est passé. Le groupe change pas, les entraîneurs c'est les mêmes. C'est juste que Carpentras, de tout temps, Ludo le sait aussi bien que moi, mais de tout temps Carpentras ça a été une équipe à réaction, juste et complètement imprévisible, avec des mecs où tu sais pas ce qui se passe. Ils peuvent prendre 40 points à la maison. Là, 3 jours après, s'il y a un match décalé le mercredi soir, et bien ils vont aller filer 30 points au leader, chez le leader. Ça a toujours été ça. C'est incompréhensible. Et puis en plus, ce championnat est un peu bizarroïde, entre guillemets, puisque on joue, on joue pas. Là, quasiment toutes les équipes ont joué entre 8 et 9 matchs. Donc ça a rééquilibré un petit peu. Un dernier mot sur nos amis Entraigois. Qui devait se rendre à Montpellier hier. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à Montpellier, tiens? Montpellier, on sait que c'est compliqué depuis le début de la saison. Il y a pas d'argent, il y a des problèmes depuis la saison dernière. Le match qu'ils ont joué la semaine dernière devait initialement se jouer à Montpellier. C'était un match reporté. Ça s'est joué à Entraigues. Et là, on devait à nouveau aller jouer à Montpellier. Et match reporté pour cause de pluie. Donc, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Ouais, moi, ça me fait pas vraiment rire, mais. Bon. Mais après, le problème, c'est quand une équipe est engagée comme ça, ça coupe toute la préparation de ces équipes qui sont. La dynamique n'est pas là, quoi. Le seul problème, c'est que l'équipe de Montpellier a été repêchée par le Colbar à 3 jours du début du championnat. Ils n'ont rien à faire dans ce championnat, puisqu'on le voit. Hein. Ils ont joué 8 matchs, 0 gagné, 0 nul, 8 défaites. Et ce comportement-là, en fait, casse toute la dynamique du groupe Entraigois, par exemple, qui avait filé. En début de saison, justement, ils avaient été exempts. Ensuite, ils devaient jouer Montpellier. Ça a été reporté, enfin annulé. Ils sont restés un mois sans jouer. Ils ont reçu Villefranche à la maison. Ils ont tenu une mi-temps. La seconde, ils ont craqué. Alors, on espère que la nouvelle fédération va mettre un petit peu d'ordre là-dessus. En tout cas, le président Marc Palanque s'y était engagé à mettre de l'ordre justement dans ces équipes qui s'engagent en sachant très bien qu'ils n'ont ni le niveau, ni l'argent, ni rien du tout pour évoluer à ce niveau-là. C'est pas faire injure à Montpellier. Il y a plein d'autres équipes comme ça. Mais à un moment, ça fausse un petit peu la dynamique. La semaine prochaine, les Entraigois auront un match en moins dans les pattes et vont peut-être galérer pour se remettre en route, etc., etc., etc. Peut-être qu'il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Alors affaire à suivre, hein. Espérons un jour ou l'autre, on ait au moins des matchs tous les week-ends qui se déroulent dans de très très bonnes conditions, messieurs, vous êtes d'accord avec moi, hein? Absolument, Fred. Un dernier mot sur nos amis Cavaillonnais, puisqu'ils sont entraînés par des braves garçons, Jean-Louis Richard et Ali El Galmi. Pareil, Cavaillon qui est en grande difficulté dans le championnat de National 1, puisque là encore ce week-end, ils sont allés prendre la marée du côté de Saint-Martin-de-Crau. C'était le derby un petit peu. Cavaillon qui a encore pris 40 points face à Saint-Martin-de-Crau et Cavaillon qui est dernier malheureusement, 7 matchs, 7 défaites. Après, pour revenir à ce que tu dis, Jean-Yves, tu parles de braves garçons et ça n'est le cas. Le problème de Cavaillon, c'est ni les entraîneurs, ni l'encadrement dirigeant. Le problème vient des joueurs. Pour le savoir, ils viennent s'entraîner aléatoirement. Ali a du mal le... Oui, c'est ça que je te dis, c'est des braves garçons. Ouais, a du mal la semaine à faire plus d'entraînement parce qu'à chaque fois, il en a 4, 5, 7, 8. Ouais. Et voilà, c'est... Mais c'est des braves garçons et pour manager une équipe de rugby, il ne faut pas être un brave garçon, il faut être un vrai con. Et Ali et Jean-Louis ne sont pas des vrais cons, mais des gentils garçons. C'est ça. Voilà, un petit peu plus d'implication et c'est vrai que ça serait... C'est dommage. Bien pour tout le monde, quoi. Dommage. Voilà, messieurs, pour le rugby, handball. Top chrono, handball. Alors oui, bien sûr, on va parler bien sûr des champions du monde. On était obligé de s'arrêter un petit peu sur ces mondiaux qui sont déroulés en France. Ça a été exceptionnel. Je crois qu'on a vibré parce que le handball nous fait vibrer maintenant depuis quelques années. C'est quelque chose qui est fédérateur dans le sport, dans le giron français. Parce que les têtes changent, les joueurs changent, mais la mentalité de cette équipe de la gagne ne change jamais. Et ça, c'est formidable, messieurs. Donc, vous en pensez ? On en avait parlé lorsque Carl Vinsonneau et... Oui, on leur laisse un petit bonjour. Carl et surtout Pascal. Et Pascal était venu. Eux, ce qu'ils font, c'est juste extraordinaire. Ça devrait être pris en exemple dans toutes les fédérations du monde, même pas qu'en France. Mais ces mecs-là arrivent à depuis 20 ans, depuis même 92, 90, on va dire, 92. Alors, messieurs, vous allez voir. Juste avant de revenir sur toi, j'arrive. J'ai pris le palmarès depuis 1990 aux Mondiaux. On fait la 9e place en 1990. En 91, on a la médaille d'argent. Ça veut dire qu'on finit 2. C'était du côté de la Suède. En 93, pardon, du côté de la Suède, oui, médaille d'argent. En 95, ça se passe en Islande. On est champion du monde pour la première fois avec cette équipe. En 97, au Japon, on a la médaille de bronze. Ça veut dire qu'on a la 3e place. En 99, petit arrêt, en Égypte, on prendra que la 6e place. Là, en 2001, en France, on deviendra encore champion du monde. En 2003, médaille de bronze au Portugal. En 2005, en Tunisie, médaille de bronze à la 3e marche. En 2007, 4e place pour l'équipe de France. Et en 2009, en Croatie, champion du monde. En Suède, à partir de 2009, la machine s'est enclenchée. 2011, champion du monde en Suède. En Espagne, petit arrêt encore de cette équipe de France. sixième place. Et puis en 2015, au Qatar, on écrase tout le monde. Et en 2017, ben, on remet une couche, puisqu'on est encore champion du monde. On vient de la fêter il n'y a même pas 24 heures. Ce qui est impressionnant, c'est que dans l'intervalle, on change trois fois de sélectionneur. Et ça se fait en douceur. On change des mecs qu'on croyait irremplaçables. Là, hier, il y a un mec qui s'appelle Quentin Mahé, qui est le fils de Mahé, qui était déjà international dans les années 90. Exact. Et en fait, tout se passe comme si c'était naturel. Là, on voit, pendant le mondial de la semaine dernière, un mec qui se fout en retrait, deux mecs, deux légendes, qui se foutent en retrait. Thierry Omeyer, exact, qui sent qu'il est un peu moins bon et qui fait signe, sortez-moi, on fait rentrer un mec qui s'appelle Girard. C'est monstrueux, il est monstrueux. Et puis on voit Nico Karabatic, qui malgré tout est élu meilleur joueur de la compétition, qui accepte de prendre du recul pour faire de la place à une gamine de 20 ans qui s'appelle Fabregas. Ben, ça là, ça explique tout, ça a tout résumé, tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Messieurs, tour de table avec peut-être Didier Bougon qui va nous parler bien sûr d'un lointain proche. Bah, ce qui est super, déjà on en avait discuté Jean-Yves, quand il y avait les gens de Mazan, les dirigeants de cette équipe au niveau des filles, que les rouages au niveau de l'équipe de France de hand, les rouages se font progressivement et à chaque fois l'application passe entre la communication des joueurs, communication des dirigeants, et c'est vraiment le top. Et le seul problème, c'est qu'il va falloir tous qu'on s'imprègne un petit peu de cette chaîne de formation qui est le handball, parce que ça démarre d'en bas et ça monte crescendo, et au fur et à mesure qu'on sort des talents, mais on continue à les pousser pour les retrouver en équipe de France. Ouais, mais tu vois, par exemple, ce qui était impressionnant hier, c'est que les deux entraîneurs qui étaient en charge du groupe coachaient des mecs avec qui ils avaient pour la plupart joué. Si tu fais ça au rugby, c'est un funeste bordel, parce que, au rugby ou au foot, peu importe, mais c'est un funeste bordel parce que les mecs sur le terrain ne vont pas respecter leurs anciens coéquipiers. Ouais, alors que là, eh ben, tout se fait de manière tout à fait naturelle. On se permet quand même de dire à Claude Onesta, qui était le meilleur entraîneur du monde pendant 20 ans, exact, de lui dire, toi t'es gentil mon pote, mais là, regarde, tu vois dans les tribunes, il y a une belle place pour toi, va t'asseoir. Et c'est juste... alors... ça se fait naturellement, il y a une passation qui se fait, il y a une... C'est une alchimie qui est vraiment... Moi, je suis admiratif. Oui, moi aussi. Peut-être Ludo. Non, c'est moi, pour moi, le mot, c'est incroyable. Franchement, voir un sport collectif à un tel niveau mondial, c'est incroyable. Je le répète, c'est incroyable. Franchement, je pense qu'on a tous des leçons à tirer de cette fédération, et ouais, c'est incroyable. Alors nos amis de la presse, dont Jean-Yves est un petit peu un reporter lui aussi, hein, puisqu'il travaille sur la presse locale, mais journalistes nationaux comme Costantini, il est séduit, l'ancien sélectionneur des Bleus, Daniel Costantini, a apprécié ce duo inédit, Dinard et Gilles font la paire, c'est le cas de le dire. Alors que tout le monde, l'an dernier, quand Onesta a dit, ben voilà, moi maintenant, j'ai été champion d'Europe, les jeux, c'est bien, mais je vais me mettre un petit peu sur le côté. Et tout le monde a dit, non, mais Dinard et Gilles, ça peut jamais marcher. Ben si, non seulement ça marche, mais en plus, cette année, là, pendant le mondial, t'as l'impression que pas une seule fois, pendant 15 jours, les mecs ont été en difficulté. Alors bien sûr qu'il y a eu une ou deux fois, il y a eu un coup de flottement contre la Suède, ou même hier pendant la première mi-temps. Enfin, moi j'appelle pas ça du flottement, parce que tu as l'impression quand même que les types, ils sont sûrs de leur truc et que ça patine pas, quoi. Alors ben voilà, ils sont pas bons hier, mais ils tournent à plus un à la mi-temps, alors que les autres avaient été extraordinaires et ils tournent à moins un. Et là, tu te dis, ben, il peut rien t'arriver. Crochet de beaucoup à chaque fois. Non, ils sont, trois points maximum. Non, c'est clair. Oui, Didier, tu veux rajouter quelque chose. C'est vrai qu'en plus, quand on regarde maintenant le résultat à l'arrivée, c'est la première fois qu'en finale d'un championnat du monde, il y a un score de 7 points d'écart. Ouais, c'est ça. C'est chapeau. Hein. Ouais, on est sur une autre planète avec le handball. La suite. Top chrono, handball. Ah non, c'était trop tard, c'était l'handball, on l'a déjà fait, mon cher. Top chrono, football. Eh bien, football, monsieur Henri n'est toujours pas là. Le sorcier du football français n'est pas venu ce soir. On le retrouvera bientôt avec nous. Non, on y laisse un petit bonjour. Et il a eu un petit ennui. Et on est très, on se languit qu'il soit de retour dans nos studios. Parlons un petit peu de football. Il y avait bien sûr un CFA en poule D. Mais il y avait qu'un match en retard. Il y avait Rodez qui recevait 7. Score de parité, devinez, 0-0. Match pâle et pas très bien engagé pour ces deux clubs, puisque l'un est leader de la poule et 7 est à la 10e place. On est en train de me dire qu'il y a de la pub. Et bien, à travers le foot, la pub, ça fonctionne, puisque Dimitri Payet a rejoint l'Olympique de Marseille. Ah. Voilà, allez, on passe à la pub. Top chrono, football. Allez, on continue de parler football, bien sûr. Allez, à l'Empereur, dans quelques minutes, bien sûr, vous savez comment recevoir le motoball de Monteux. Restons dans le football et regardons un petit peu les résultats de cet honneur. Pernes recevait Côte Bleue, match très serré, mais très, très sérieux pour les Pernois qui avaient besoin de points face à cette équipe de Côte Bleue qui est devance. Non, ils sont juste derrière. Et là aussi, il fallait pas faire l'impair, il fallait gagner à domicile, ce qu'ils ont fait, 3-2. Et Pernes qui est pointé à la 9e place dans ce championnat, qui est dominé par Cannes, premier co-leader avec Andoum et Ergaz Ardiv. Eh bien, dans cette division d'honneur, les Pernois sont 9e ce soir et ils peuvent espérer, pourquoi pas, rentrer dans le top 10 le top 10, ils sont déjà dans le top 10, mais dans le top 5 d'ici la fin de la saison, ce qui leur permettrait bien sûr de voir plus clair. En division d'honneur régionale, les Courtaisonnais, je suis en train de les chercher sur mes petits papiers, Courtaison qui se déplaçait du côté de Drancy, ils ont fait vraiment le boulot, comme on dira, parce qu'ils sont allés gagner chez un adversaire qui avait besoin de points, 3-2. Les Drancy, malheureusement, sont dû tomber de haut face à cette équipe de Courtaison qui souffle le chaud et le froid. Mais ce soir, ils sont 7e au Courtaison avec 31 points. Le premier canton de Marseille, eux, qui sont leaders, ont gagné face au Ponté 2-1. Les Pontessiens qui sont classés 5e dans ce championnat, honneur, division d'honneur régionale, poule B. Et bien sûr, je regarde d'autres résultats qui nous intéresseraient de plus près. La Valette est allée gagner à l'extérieur là aussi, 3-2. C'était un petit peu la journée des victoires à l'extérieur, puisqu'il y en a eu 3 dans ce championnat, 4 avec Carnoux, qui est allé gagner du côté de Marignane-Gignac, 3-0. Et qui est à l'heure actuelle, si je regarde. Eh bien, bon dernier pour ces pauvres Martégaux, Gignacois. Eh bien, le championnat est encore ouvert après la 13e journée de championnat. Revenons dans le district en endurance. Malheureusement, c'est des matchs qui ne se passent pas très bien. L'Île-sur-Sorgue recevait Saint-Rémy 2. Le match a été arrêté. On n'a pas, bien sûr, les tenants de ce match arrêté, mais on peut imaginer qu'il s'est passé des petits incidents. Malheureusement, ça arrive souvent au football. Mayan en recevait Montfavet. Ils ont gagné 2-0. Carpentras, c'était le derby face à Courtaison 2. 2-2, de partout. Et Lille-sur-Sorgue recevait Saint-Rémy 2, je vous l'ai dit, match arrêté. Tarascon recevait Nov, victoire 2-0. Et Nyons FC qui s'est fait battre à domicile face à Barbantane, 2-0. Et Veden qui recevait les Pernois, c'est l'équipe 2 de Pernes, ont gagné 2-1. Quand on regarde ce PHA, le leader c'est Mayan, deuxième Barbantane à 4 points déjà, 5 points. Et US Avignon, et bien sûr, troisième, on s'éloigne un petit peu pour voir où est Courtaison. Ils sont dixième avec 29 points, tandis que Carpentras a bien reculé. Ils sont plus que septième avec 32 points. Je vous donne un petit peu les matchs du week-end prochain grâce à GFoot 84, un site que vous retrouverez bien sûr toutes les rencontres du championnat Rondurance, mais aussi du championnat méditerranéen et de la CFA. Les prochains matchs, ce sera Nove qui recevra Mayan dimanche après-midi, tandis que l'US Avignon recevra le FC Carpentras. Pernes 2 ira du côté, recevra Lille à domicile. Boulbon recevra Tarascon et Montfavet recevra Veden, tandis que Courtaison recevra le football club de Nyons et Barbantane recevra Saint-Rémy 2. Voilà pour la future journée de championnat qui se déroulera le week-end prochain. On en a terminé avec le football, c'est assez court, mais il nous manque Monsieur Henri. Top chrono, volleyball. Un volleyball, eh bien, on va aller très vite avec peut-être Jean-Yves. Parlons si on a les résultats. Non, oui, on a les résultats avec Orange Fange a perdu, me semble-t-il, de mémoire. Oui, par contre, Avignon s'est qualifié en coupe aux dépens de, je ne sais plus, Fred, je suis désolé, j'avais pas le... La 3-1, ils ont perdu 3-1 pour nos amis orangeois face à cette équipe de Cambrai. Eh bien, Cambrai, bien sûr, qui est quatrième dans ce classement. Et les orangeois sont sixième. Une victoire qui leur aurait fait un plus grand bien. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé les clés pour pouvoir battre 3-7 à 1 cette équipe de Cambrai. Mais les volleyeurs de l'AVB se sont qualifiés en coupe, par contre. Ça, c'est une bonne chose. Oui. La suite. Top chrono, athlétisme. Tiens, Bibi Bougon, on l'a juste présenté tout à l'heure. Il est bien sûr venu nous parler du handball. Mais est-ce que les... basket et les chaussures étaient de sortie ou il y avait rien? C'était du côté de Montpellier au niveau de. Alors on a un petit problème de retour là, ou peut-être de son. On est en train de parler à la technique, on est en direct, ça a l'air de pas trop fonctionner. Il y avait quelques compétitions en salle, c'est surtout au niveau des régionaux et interrégionaux qui avaient lieu à Montpellier. Et certains clubs de Vaucluse présentaient quelques athlètes sur piste. On ne peut pas dire que les résultats ont été miraculeux et d'athlètes de qualifiés. Simplement, je sais qu'il y a un athlète de Sorgue sur 400 qui a battu son record de presque une demi-seconde en 52-44. Et actuellement, bon, ils attendent les nationaux qui ont lieu, je pense, soit à Lyon. Et ensuite, il y a la partie élite qui aura lieu mi-février en salle. Donc on attend l'arrivée de Renaud Lavigny qui commence à revenir au niveau de ses premières compétitions. Je sais que le départ était un peu moyen, mais on l'attend quand même sur des grands rendez-vous dans certains meetings. Et Renaud à chaque fois répond présent. On va voir combien il va décoller d'ici une petite quinzaine. Il y a un meeting à Dortmund, mais d'ici là, bon, moi je pense qu'on reverra. Je sais qu'on le reverra. Son frère était sur Montpellier. Je n'ai pas le résultat de ce qu'il a fait au niveau perche, au niveau de son frère, mais actuellement, bon, les compétitions sont en train de se dessiner, surtout pour les gros meetings. Didier, revenons plus proche, on a bien sûr les cross. Le cross, mais comme on dit, c'est l'interrégionaux qu'on nommait avant. Qui va être dans le Var. Comment on disait l'interrégionaux de cross. Oui, mais on disait c'était les demi-finales. Oui, les demi-finales, championnat de France. Voilà, merci beaucoup. Bon, c'est vrai que la semaine dernière, ils appelaient ça les quarts de finale. Pourquoi ? Parce que dans notre ligue, maintenant, il y a deux régionaux. Donc, ils ont appelé ça les quarts de finale. Mais bon, il y a régionaux A, on pourrait dire que c'est la région au niveau de la Provence, et régionaux B qui sont un peu plus haut sur la Côte d'Azur. Maintenant, tout ça vient en raison des coupes au niveau des régions. Et tout ça, ça a mis un petit branle de combat. Et on s'y retrouve. Dis-moi, Didier, est-ce qu'on a été ce week-end courir à droite ou à gauche ? Non. Faire des petits trails ? Il n'y avait rien ce week-end ? Ce week-end, Si. Ludo peut-être qui va intervenir. Il y a eu la course des glaces au Montserrain. La course des glaces, tiens. Moi, j'ai aucun résultat de ce côté-là. Je crois que c'est ça, la course des glaces. Hein. Non, c'était le trail du Ventoux. Il y avait une sortie le week-end dernier. On n'a pas les résultats. Les résultats ne sont pas parus. Non. Pas du tout, c'est bien dommage parce que c'est quand même Serge Jolin qui s'occupe, de cette réalisation. Le vrai trail du Ventoux a lieu au mois de mars. Hein. Voilà, il y en a un autre au mois de mars, mais là c'était les traces blanches, les traces blanches, c'était autre chose. Donc aucun résultat du côté de nos confrères, aussi bien des éditoriaux qui sont entre la Provence et le Vaucluse. Alors le week-end prochain, tu seras au cross. Je serai dans le Var pour voir les clubs qui vont se qualifier. Donc on pense quand même à quelques athlètes, peut-être sur le Ponté, je dis bien peut-être. Ce sera quand même dur, il va falloir s'arracher. Le CSMA qui a des grandes chances, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, où elle présente des individualités sur cross-court. Ensuite, sur le cross-long, les individualités, ça sera surtout Mohamed Sarghini. Et après, on va voir les autres clubs. Il y a des petits clubs où... Je m'arrête là, sur Mohamed Sarghini, j'arrive. Il va revenir parce que... il a été qualifié tout compte fait pour les Inter. Sûr. Genoa, il fait deuxième sur le cross-court. Ce sport, tu as le droit de courir sans ton dossard. Te faire disqualifier, être repêché. Sans que tu paraisses, non. Non, mais excusez-moi, messieurs, mais là, alors, c'est clownesque. Là, vous savez quoi? Le championnat de France de cross-country devrait être sponsorisé par Rire et Chanson. Voilà. Ah c'est ouais, tout. Pourquoi pas? C'est pas trop sérieux, soyons très objectifs dans ce qu'il a dit Jean-Yves, parce que c'est vrai que, quelque part, pour moi, il est disqualifié. Attention. C'est non, parce que Serghini, tu te rends compte, Didier nous l'a dit, c'est le meilleur représentant de la région. Donc, lui, il a le droit de courir à pied, sans short. D'accord, heureusement qu'il est à pied, parce que s'il était en voiture, ça irait vite. Ouais, mais c'est parce qu'il n'a pas essayé, mais on l'aurait autorisé. D'accord. Alors, tu as le droit, après les départementaux, à présenter une équipe sur un cross long ou un cross court. Donc, comme le cross long avait été fait au niveau départemental, ensuite, sur les régionaux, tu présentes ton équipe. Tout le monde était qualifié d'office. Et oui. Voilà. Donc, aussi bien... On fait des qualifs, mais si tu n'es pas qualifié dans le court, on te requalifie sur le long. Et si tu avais raté le long, ne t'inquiète pas, il y a le très long ou le très court, ça dépend. Dans tous les cas, rassure-toi, tu seras qualifié, Fred. Allez, là, là. Oh, excusez-moi, messieurs, je suis en train de chatter. On va passer à autre chose. On va passer plutôt, maintenant, à... Ce soir, c'est Horizon. Eh bien, prenez vos papiers, vos crayons. Tandis qu'on chantait la petite chansonnette, parce que les champions de France sont juste derrière nous. On va retrouver dans quelques minutes le motoball. Mais pour l'instant, c'est place à Marie avec son magazine Horizon. Elle va vous donner l'horizon de votre week-end sportif et des rendez-vous fabuleux. Alors, tout d'abord, vendredi, ce sera du football. Si vous êtes intéressé par les matchs surmonteux, c'est les Crampons Usés qui reçoivent Villeneuve à 20h30 au stade Saint-Hilaire, donc vendredi. Ensuite, je vais vous proposer, ça c'est plutôt pour tout public, si vous voulez allier la balade avec la nature, ça sera samedi 4 février. Et c'est pour partir à la découverte de la faune des bords du Rhône, en plein cœur de l'hiver. De nombreuses espèces d'oiseaux d'eau quittent leur zone de reproduction située plus au nord et viennent passer l'hiver chez nous, où la nourriture est encore présente et les températures plus clémentes. Ça sera au départ sur le parking du parcours sportif chemin de l'île de l'Oiselet et ça sera à Sorgues. Mais si vous voulez plus proche de nous, ce sera à Monteux, ce sera la même balade naturaliste, ce sera dimanche de 8h30 à 14h, ce sera dans la zone humide des confines à Monteux. Pour tout renseignement, vous allez sur lpoventou@gmail.com, vous pouvez demander les renseignements et les inscriptions sont jusqu'au 2 février. Bon. Avec Didier Bougon, on parlait justement de course. Et bien dimanche 5 février, il y aura le 11e trail de Fontaine de Vaucluse. Le trail 100% nature à travers les monts de Vaucluse. Parce que Marie parle de course, de sport, et Didier parle de... De cross. Ouais, de plaisanterie. C'est pour ça que Marie est plus sérieuse quand elle parle de... Alors, il vous propose deux parcours, un de 12,8 km avec un dénivelé de plus de 375 mètres et un 24 km avec un dénivelé de plus de 840 mètres. Un repas pour tous sera offert à l'arrivée et un cadeau offert à chaque participant. Les inscriptions jusqu'au 1er février, alors allez vite sur le site sur internet. Toujours le 5 février, ce sera pour les vététistes, ce Natura VTT qui vous propose sa 11e édition. À Saint-Laurent-la-Vernède dans le Gard, avec 4 circuits de VTT, un 10 km, un 17, un 26 et un 45 km. Mais il vous propose également deux rando trail marche de 12 km et de 18 km. Il y aura de la restauration le midi et compris dans la journée. Si vous voulez plus de renseignements, vous téléphonez au 04 66 72 89 01. Et pour ceux qui préfèrent les raquettes, eh bien, le Ventoux Passion Nature propose tous les week-ends ainsi que diverses journées dans la semaine des randos raquettes au Mont Ventoux avec donc depuis le 15 décembre jusqu'au 15 avril. Tout le programme, vous l'aurez sur le site www.randonnée-vaucluse.fr. Donc si vous voulez faire de la rando raquette, renseignez-vous, c'est toute la semaine et les week-ends. Merci Marie. Écoutez, vous aurez même la possibilité de réécouter cette émission demain soir aux alentours de 20h et vous pourrez à nouveau prendre note de ce qu'il a été dit puisque mardi, c'est l'heure de la rediff. Ce soir, nous recevons dans nos studios eh bien, les Jaguars de Monteux. Que sont devenus les champions de France à l'aube d'une saison 2017 qui s'annonce? 2016 a été écrite par des lettres en or, puisque record d'affluence lors d'un match d'une finale de la Coupe de France face à Carpentras, ici au stade des Confines. Champion de France... champion de France avec nous, bien sûr. Et il est en train de me taper sur les doigts. C'est Alain Lempereur, un homme qui avait dit qu'il serait jamais champion de France. Il s'appelait Jean-Pierre Mathieu. Eh bien, les lettres ont été découpées puisque Monteux est champion de France 2016 de motoball. Ça a été fabuleux. Et bien sûr, tout à l'heure va venir avec nous Éric Palaillet, le président, qui devait un petit peu partir. On ne savait plus où on en était, mais ce qu'on sait, c'est que ça y est, le champion de France est en route pour un nouveau défi. Porter ce titre de champion de France sur tous les stades, mais surtout, pourquoi pas, essayer de bien figurer dans ce championnat 2017. Et on l'espère, et on va décortiquer tout ça avec Alain Lempereur. Pourquoi pas viser à nouveau un titre, même s'il y a eu du changement et il y a eu beaucoup d'activités, on va dire, à l'intersaison. On va commencer à dire déjà bonsoir Alain Lempereur et merci d'être là. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Alain, c'est vrai qu'on s'était quitté sur ce beau titre de champion de France. On l'avait fêté ici à la radio. Et puis bon, c'est vrai que cette finale à Camaré, c'était quoi, la Coupe de la Ligue, c'est bien ça, non? C'était la finale du Trophée des Champions. Trophée des Champions, pardon. Là aussi, on avait été un petit peu... bon, on avait perdu, certes, mais on avait été un petit peu stupéfait par des faits qui s'étaient passés hors stade. Et je crois que ça a été un élément déclencheur. Et tout le monde a eu très peur. Malheureusement, tout est redevenu dans le calme. Tu peux peut-être nous raconter légèrement, superviser un petit peu ce film de ce qui s'était passé. Ouais, je ne vais pas trop revenir sur ce genre de non, fait. Mais bon. Non, je ne vais pas revenir parce que nous, on a tiré un trait. La saison a été très difficile à la fin de ce match. On a eu beaucoup de peine à repartir. Thierry Lafond avait donné sa démission. J'en avais fait de même. Et puis voilà, la mairie... La mairie nous a reçus pour fêter le titre de champion de France et malheureusement, je crois qu'on n'a pas été à la hauteur non plus de la réception que M. le maire a bien voulu nous faire. Et puis voilà, on a eu quelques jours de réflexion. Les joueurs ont manifesté leur envie de continuer, ce qui a fait un petit peu... mettre tout le monde pas en porte-à-faux, mais à vouloir réfléchir pour donner une meilleure solution à une reprise. Et c'est ce qui s'est passé. Le président a voulu, malgré l'envie d'arrêter pour des raisons professionnelles, et je le comprends très bien, a décidé de repartir. Et automatiquement, je suis aussi revenu sur ma propre décision et j'ai aussi donné mon accord au club pour repartir encore une saison. C'est nous qu'on est très heureux ce soir d'entendre ces mots-là. C'est vrai, la seule chose qui est dénote, eh bien, c'est dommage que Thierry Lafond est parti, parce que le trio infernal, c'est vous, parce que les joueurs ont bien rempli leur contrat, mais malheureusement, pour qu'une équipe vive, il faut que derrière, il y ait des dirigeants qui tiennent la route et qui soient à l'écoute de son équipe une. Oui, c'est sûr que le fait que Thierry nous écoutait m'a touché personnellement. Mais voilà, Thierry est mon ami. Thierry, ça fait très très longtemps que je le connais. J'aurais aimé encore passer plus de temps avec lui au niveau du club. Mais voilà, des faits extérieurs au club se sont passés. Il a pris sa décision. On l'a accepté sans problème. Voilà, aujourd'hui Thierry va faire sûrement les beaux jours de l'équipe de Robion, en deuxième division. Et je lui souhaite autant de réussite qu'il a eu avec Monteux. C'est un garçon performant, extrêmement compétent et puis surtout très professionnel sur tout ce qu'il fait. Donc oui, je suis très heureux pour lui et je lui souhaite une grande saison. Jean-Yves, c'est vrai que ce garçon avait plusieurs caps à son palmarès, un beau titre de champion de France avec les Jaguars de Monteux, parce que pour moi, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. C'est pour ça que je m'anguissais de savoir un petit peu comment on allait aborder cette saison 2017, qu'on va décortiquer dans quelques secondes, mais on peut rester encore un petit peu sur 2016, Jean-Yves. Ouais, 2016, c'est une saison juste exceptionnelle pour les Jaguars de Monteux. Des finales, un titre acquis et Dieu sait de quelle manière. Il y a un petit goût d'inachevé sur le trophée des champions et sur la finale de la coupe. C'est les accidents, c'est probablement à l'expérience que ça s'est fait. Ça, c'est pour les bons côtés de la saison, vraiment. On a vibré, on s'est régalé. Le mauvais côté, c'est un petit peu ce goût amer, ce goût d'inachevé sur la fin, avec tout ce qui s'est passé. Alors, Alain n'a pas souhaité revenir dessus, je ne vais pas le faire non plus. Non, on respecte. Il est juste dommage que des gens aient pu gâcher, en tout cas, gâcher... La belle fête qui aurait dû se passer. Je pensais, j'avais souvenir qu'un défilé dans Monteux était prévu avec les motos, ça s'est pas fait. Et puis je vais revenir sur le départ de Thierry, qui était un garçon juste génial, qui a des qualités sportives et humaines supérieures à beaucoup de mecs qu'on croise dans la semaine. Et c'est dommage que Thierry... et choisi de partir, il avait ses raisons de le faire. La bonne nouvelle, c'est que Alain Lempereur et Eric Palaillet soient restés aux commandes du club. Et puis, très important. Et puis probablement que ça va aussi permettre, comme me le disait Alain avant le début de l'émission, ça va probablement permettre de reconstruire, de repartir avec pas une nouvelle génération de joueurs, parce que des anciens sont toujours là, mais d'insuffler un nouveau dynamisme. Alors peut-être que la saison ne va pas être aussi belle que ce qu'elle a été, en tout cas celle-là, mais faisons confiance aux dirigeants des Jaguars pour créer, pour recommencer à structurer, pour repréparer des gamins, et puis pourquoi pas dans un an ou deux, si rejouer le haut du tableau. Oui, il n'y a pas de raison. C'est vrai qu'on était bien parti, juste dynamique, et surtout ne pas décevoir les supporters, le public, parce qu'on a retrouvé du public dans son motoball et des gens qui vont être quand même attentifs. On a un titre de champion de France. Est-ce que c'est dur, Alain, cette année, de repartir comme ça? Déjà, l'entraîneur, le nouvel entraîneur, c'est qui? Eh bien, le club a décidé de donner la responsabilité de l'entraînement à Stéphane Fraisse. Hein, Stéphane qui... Ça va surprendre beaucoup de monde, mais je vois un autre Stéphane depuis 15 jours. On a repris l'entraînement physique. Je vois un autre Stéphane complètement investi, calme et qui encourage beaucoup. C'est tout nouveau, parce que ceux qui connaissent Fraisse... Alors Stéphane, juste on va s'arrêter sur Stéphane. Alain, tu vas peut-être nous dire un petit peu le palmarès de ce garçon, parce que je crois que plusieurs caps en équipe de France... Plusieurs caps, il en a quelques-unes, mais il a quand même participé l'année dernière au championnat d'Europe en Hollande, où il a brillamment porté les couleurs de l'équipe de France. Cette année, c'est une belle saison qui s'annonce peut-être pour lui, parce qu'il y a le championnat d'Europe ici en France et à Camaret et Valarias, organisé par Camaret et Valarias. Donc pour lui, c'est quand même énorme s'il arrive à être dans le groupe de 10, pour sa famille, pour tous ses copains, pour le club aussi de Monteux. Ça serait quand même une très belle récompense, autant individuelle que sportive pour le club aussi de Monteux. Alors si on a bien expliqué, c'est un joueur c'est un entraîneur-joueur. Ouais, c'est un entraîneur-joueur. Alors ce qui est surprenant, comme le disait Alain, c'est que Stéphane Fraisse, c'est quelqu'un de plutôt sanguin en général. C'est un mec qui s'investit énormément, qui lâche rien. Souvent, ce genre de joueur fait de bons entraîneurs, parce qu'ils ont le recul, parce que Le risque pour Stéphane, là, cette année, c'est peut-être de trop se disperser, d'être un peu moins efficace en tant que joueur, et probablement de... Coacher, c'est compliqué aussi. Hein. En tout cas, coacher et jouer en même temps, coacher, entre guillemets, c'est facile, non, c'est pas facile. Jouer, c'est facile, mais c'est pas facile. Coacher et jouer en même temps, c'est compliqué. À ce niveau-là, ça l'est encore plus. Et quand on connaît un mec comme Stéphane Fraisse, qui a besoin d'être à 200% pour s'envoyer, ça va lui demander de prendre beaucoup sur lui, probablement de se calmer un petit peu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Alain dit qu'il découvre un nouveau Stéphane. Probablement que ça va l'aider aussi dans son jeu. S'il laisse pas trop d'énergie et qu'il arrive à déléguer pendant les matchs le coaching, probablement que ça va lui apporter une espèce de sérénité qu'on lui connaissait pas ou peu. Alain, est-ce que je vais reprendre un petit peu le rôle que j'avais il y a deux ou trois ans quand je suis revenu au club. Je vais rester très proche de Stéphane. Je vais rester plutôt cette proche année, du terrain. Oui, plus proche du terrain que de la buvette, parce que l'année dernière j'ai eu des occupations nettement moins rigolotes que de m'occuper du motoball. Aujourd'hui, je vais essayer de me mettre à fond dans l'esprit motoball, puisque nous avons aujourd'hui un nouveau vice-président. Qui a pris ma place, bien sûr, parce que je ne peux pas cumuler tous les postes, et qui s'est investi énormément depuis la reprise. Donc ça va me permettre d'être le plus proche possible des joueurs, autant à l'entraînement que le samedi. Est-ce que c'est est-ce qu'on peut divulguer son nom? Ah, bien sûr, c'est un dirigeant de l'année dernière qui s'occupait de la sécurité où il a permis à l'organisation de la finale de la Coupe de France de se tenir d'un très bon équilibre. C'est Yannick Heim qui prend la vice-présidence, et ça va permettre aussi à Yannick de préparer l'avenir du club, puisque Eric a quand même annoncé que c'était quand même vraiment sa dernière année. Donc ça va être un bon passage, une bonne passation de pouvoir entre les deux hommes forts du club, et ça va être aussi important pour lui de préparer un an de soutien de la part de tous ses dirigeants. Et si on venait sur le sportif, l'équipe est déjà, et les joueurs, c'est déjà le recrutement il finit. Le sportif, personnellement je suis pas très inquiet puisque on a quand même perdu des hommes forts de cette équipe. Grégory Grandjean et Stéphane Verdini, X champion de France, champion d'Europe et j'en passe, ont pris leur retraite, mais on est encore reconnaissant de tout ce qu'ils ont amené. Est-ce qu'ils restent dans l'entourage du club, les deux là? Ils seront supporters numéro 1. D'accord. Ils nous ont dit qu'en fin de compte, avec ce qu'ils ont vécu chez nous, ils passeront plus de temps chez nous que chez d'autres. Il n'y aura pas une moto qui va traîner Non, personnellement, je ne ferai pas l'effort d'essayer de les faire changer d'avis, parce qu'ils ont tellement fait, et puis ils ont tellement connu des blessures et plein de choses, que ça ne serait pas très bon de vouloir... Et nous, on a aussi l'envie de repartir avec des jeunes. Donc, si on veut pérenniser le club pour les années futures, il faut qu'on prenne des jeunes, même s'ils sont moins bons. Je pense que Stéphane va énormément les faire travailler. Il en a le souhait. Et aussi Loïc Mathieu, Loïc qui a connu une blessure difficile lors de la finale du Trophée de France, où il est quand même parti à l'hôpital avec un gros traumatisme crânien. Donc voilà, c'est des grosses pertes, mais qui vont compenser par la jeunesse. Alors qu'est-ce qu'on a comme recrues, comme jeunes, ces jeunes formés au club, ces jeunes qui arrivent d'autres clubs, connus Alors ce qui reste du club, c'est Ronan Benkedouma, qui l'année dernière a été second. Ronan, en fin de compte, je le positionne aujourd'hui un petit peu comme les deux gardiens de l'équipe de France de handball. Gérard et Omeyer. On avait Verdini et Benkedouma, et l'année dernière, Ronan a fait une très très grosse préparation, et je pense qu'il est vraiment prêt à prendre le flambeau de gardien du but numéro 1. En deuxième, il y aura Jérémy Moutin, qui a fait aussi de gros efforts et qui nous impressionne aussi à l'entraînement. Donc deux jeunes de 20 et quelques années, c'est bon aussi pour l'avenir. Il y aura le petit Pario Jordan, qui a moins joué l'année dernière, mais je pense qu'avec tous les anciens, il a énormément appris de ce que c'est le motoball de haut niveau. Et on compte, il a 20 ans, c'est un avenir prometteur pour le futur. Raquin, Ludovic, c'est l'ancien de l'ancien. je pense qu'il, malgré son âge, il sera toujours, il est autant motivé que l'année dernière. Et je lui fais confiance pour nous amener quelques gros matchs. Bon, Stéphane, on ne le présente plus. Il y a aussi Michael Fraisse, qui a doublé l'année dernière un petit peu avec Anthony Mathieu. Et cette année, ben, je pense qu'il aura plus de temps de jeu et va pouvoir nous amener un peu plus de finition que l'année dernière. Donc, on a un nouveau joueur de Bolène, Niel Joris, que je connais pas trop, mais d'après Léon dit, c'est un garçon sérieux de 21 ans, qui a fait les beaux jours de Bolène, pourquoi pas de Monte demain. Mm-hmm. Et puis deux petits jeunes qui ont joué un à Valréas, un à Robion, qui ont envie de connaître un petit peu le niveau supplémentaire, et on va leur faire confiance et les préparer pour l'avenir. Ouais, je crois que Jean-Yves, quand on regarde un petit peu ce que vient nous dire Alain, on a un amalgame et on peut analyser un petit peu cette équipe avec des joueurs qui vont être un petit peu revanchards, comme vous avez peut-être décrire quelque chose, des nouveaux qui arrivent et des, on va dire, des cadres qui sont là pour orchestrer un petit peu une saison qui va être peut-être un petit peu plus compliquée. On le verra, on verra les matchs, comment, je crois que c'est début mars que ça va démarrer, mi-mars, par la Coupe. Oh là, mais déjà on a un gros choc dès le 1er avril, ce ne sera pas un poisson, mais on a malheureusement tiré un très très gros de l'élite, c'est Neuville. Neuville à qui on ne présente plus. Et sur match aller-retour, ça va être extrêmement difficile, mais bon, sur match aller-retour. Alain Soyoncker, cette année, pas d'entourloupe de dernière minute, personne n'a porté plainte contre vous, pas de points en moins, vous êtes tranquille. La bonne nouvelle, c'est que... Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle dans tout ça? C'est qu'aujourd'hui, ben, je peux annoncer officiellement qu'une équipe junior va être... va voir le jour. Bon, très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça, on va arrêter, comme on dit, les points de pénalité, les amendes, parce qu'aujourd'hui, c'était 4 points de pénalité en Elite 1. C'est plus pareil, là. Hein. Mm-hmm. Tu démarres avec 4 points de moins en Elite 1, c'est que tu es condamné déjà à jouer de 5 à 7. Et surtout, 1200 euros d'amende encore. Hein. Donc, à la fin, ça fait énorme. Est-ce qu'on repart sur deux poules de ce championnat comme l'année dernière, ou non, on repart sur une poule unique cette année? C'est une poule unique, c'est l'élite 1 qui donne les 6 premiers de l'année dernière, plus le champion de France de élite 2 qui est Houlgat. D'accord, ouais, parce que je vois quand même qu'il y a encore des exams, et ça me paraît encore vraisemblable. Parce que c'est une poule de 7, parce que nous sommes 13. Donc, ils ont fait une poule élite 1. De 13, de 7 clubs et une poule élite 2 de 6 clubs. Après, peut-être que le fait d'avoir justement remixé les 6 meilleures équipes de la saison dernière, ça va éviter des creux, parce que il y avait des creux l'an dernier, même dans le championnat, il y avait des équipes qui étaient réputées un poil plus faibles. Peut-être que cette année, ça va être un peu plus compliqué de sortir du truc, non, Alain? Ah là, il n'y a plus de petites équipes, c'est fini. Ouais, c'est ça. Quand je vois les poules, quand je vois les équipes qui a face à moi, bien sûr. C'est Carpentras, c'est Camaré qu'on ne présente plus, c'est Vaujoncourt avec le nombre d'internationaux, c'est Neuville, champion de France. C'est ce que je te dis, ça risque d'être beaucoup plus dense, peut-être. Ça va être extraordinaire, une poule. Par contre, moins de matchs. Il y aura moins de matchs, parce que ça ne fera plus que 14 matchs. Moins de derby. Voilà, je pense que toutes les équipes vont sûrement avoir un problème de recettes, parce que quelque part, c'est ce qui nous fait vivre. Et là, entre les doublons, entre les matchs, entre Carpentras, Camaré et nous, où on va jouer ensemble, ça peut donner quelques soucis aux trésoriers. Mais la beauté de cette poule, c'est qu'il n'y aura jamais un match facile. On revient un petit peu, tu as dû faire un petit peu l'espion, hein, parce qu'on s'espionne un petit peu tous. Quelle équipe du Vaucluse sera un petit peu tâteau de proue? Le champion de France, c'est sûr, c'est Monteux. Mais derrière, est-ce que Camaré s'est renforcé, Carpentras? Carpentras, d'après Léon dit, Carpentras c'est bien renforcé. Il va surtout récupérer son ancien international, j'ai perdu le nom, ça me reviendra, c'est pas très grave, qui a été blessé contre nous l'année dernière. Donc rien que ça, déjà, c'est une belle chose pour Carpentras. Ils ont récupéré aussi un très bon joueur de Valréas, Batista. Voilà, donc Carpentras sera aussi dans le coup. Puis moi, je pense que le grand favori de la poule cette année est Camaré, Parce qu'on ne va pas leur enlever les deux coupes qu'ils ont gagnées. Déjà qu'ils avaient une belle équipe. Ce qui m'agace un petit peu, tiens, parce que je vais être un petit peu provincial ce soir, cette équipe de Camaret, avec un Sbar de Lotto qui doit approcher le Quintal pas facile, et qui est impressionnant toujours en motoball. On m'a dit qu'il y avait un Russe, Anton, qui pèse 1,5 tonne. Là. Et lui aussi le Russe, il a bientôt 50 ans. Et c'est encore un des meilleurs joueurs d'Europe. Donc sur Renault Moto, lorsqu'on a la technique, l'intelligence et la puissance dans la et surtout la facilité d'amener tout le monde où on veut, c'est une expérience extraordinaire. Et Camaret long. Et puis les coups francs, il a un pied magique. Mais Camaret pour moi est actuellement l'équipe qui s'est le plus renforcée. Maintenant, envisagé d'engager deux équipes, non ? Une en élite 1, une en élite 2, c'est fait ? Camaret ? Ouais. Oui, c'est fait, bien sûr. Oui, parce qu'ils ont une équipe junior où pas mal de juniors montent. Mm-hmm. Et c'est une bonne aussi pour eux, chose pour eux, parce qu'ils avaient 11 à 12 joueurs. Plus Anthony Mathieu qui a regagné le club de Camaret. Donc ça peut faire deux équipes qui tiendront la route. D'accord. Tout à fait. Fred. Ouais, non, monsieur, je suis. J'écoute ce qu'il nous dit Alain, c'est très très enrichissant. Hein, savoir que Camaret, ils auront deux équipes. Mathieu, ça m'interpelle un petit peu, c'est dommage. Parce que ce garçon a quand même des valeurs en monteux. Et je crois qu'il a fait une belle saison. Et puis bon, mais voilà, quoi, il a décidé de voguer vers d'autres cieux, c'est bien dommage. Hein. Oui, après c'est un choix humain qu'il a fait. Il a voulu voir autre chose. Puis on respecte sa décision. Et puis voilà, c'est comme ça. On repart le 22 avril. Ça sera le début du championnat. Est-ce qu'on a déjà démarré les entraînements, les motos? Qu'est-ce qu'on fait, on va dire, en interne en ce moment, Alain? Parce que c'est vrai que c'est la saison creuse. Mais là, presque la saison ne s'arrête pas pour le motoball. Pour les pauvres mécanos, elle ne s'arrête quasiment jamais. Hein, parce que nous, on a joué jusqu'au presque fin octobre. Puis, tous les palabres qu'on a eus pendant un mois et demi, on repart pas. Donc, les motos n'ont pas été faites. Et les mécanos, s'acharnent aujourd'hui à remettre tout le parc de 8 motos en état. C'est pas... Ça ne se fait pas en 3 cuirs à peau. Voilà, nous on a repris l'entraînement depuis 15 jours, entraînement physique au gymnase de Monteux. Ça se passe excellent. C'est que du physique là, ou vous attaquez, vous commencez à remonter sur les motos, ou là on n'est que dans la préparation et on pure fait et dure. Un mois et demi, je crois que tout le monde fait à peu près la même phase de préparation. Pas de ballon, pas de moto, pas de rien du tout. Non, le ballon on le fait dans les gymnases, mm-hmm. C'est très bien pour tout le monde. Moi on voit un petit peu la technique que chacun peut avoir. Donc ça se passe très bien, il y a de bonnes séances. Et puis la moto on le reprendra vers le 21 février. Mmh, là c'est pour toi, là, question ballon, parce que quand on parle d'un Lampower, chaque fois on me dit « mais il n'est pas au foot ». Non, il est au motoball, messieurs. Ça, c'était avant. C'était avant. Et c'est vrai que toi, la technique du ballon, quoi, en ce moment, c'est toi qui dois avoir un petit peu des choses à dire à ces garçons, peut-être, non ? Non, en fait, en fin de compte, Stéphane, je le répète, Stéphane a pris en main même l'entraînement physique, et il m'a sorti deux séances où j'ai été surpris de la qualité des séances. Et tout le monde est parti dans ces séances et ça s'est très très bien passé. Pas vraiment surprenant, je vais pas monter la seg à Fraisse qui a pas besoin de moi d'ailleurs, puisque son palmarès parle pour lui, mais c'est pas vraiment surprenant parce que quand on l'a rencontré, ce garçon, on sent qu'il a une espèce de maturité. Alors bien sûr que sur un terrain, il est complètement fou et par moments même limite ingérable. Mais ça fait aussi son charme, ça fait aussi partie de ses qualités, il en faut. On ne gagne pas des guerres avec des enfants de cœur, on gagne des guerres avec des timbrés. En tout cas, moi, je le pense réellement. Mais par contre, ce n'est pas complètement étonnant qu'il ait suffisamment de recul pour prendre l'entraînement. Il a suffisamment d'expérience aussi. Hein. Il a connu, tu le disais, des sélections, des titres et des machins. Et ce n'est pas complètement étonnant. Mon souci, moi, c'est de savoir si... Il ne va pas se disperser trop pendant les matchs. Et si toi, tu vas être le relais, comment dire, le parfait relais de ce que lui voudra, parce que peut-être trop concentré par son job de joueur, est-ce qu'il aura la lucidité, ou toi, tu auras la, la lucidité d'arriver à communiquer avec lui pendant les matchs. Ben, je pense que ça sera des moments forts à la mi-temps. Cette année, un petit peu, le règlement a changé aussi. Le premier tiers-temps, on a droit à 10 minutes d'arrêt. Mm-hmm. Et le deuxième tiers-temps, la mi-temps, pour dire la mi-temps comme dans le football, on a droit à 15 minutes cette année. Ou ça risque de renfler. Donc non, au contraire, je pense que je pense que si j'arrive à bien communiquer avec lui, il sera plutôt dans le calme et on essaiera d'être plutôt positif et chercher des solutions à nos problèmes. Messieurs, la pub, on revient juste après. Bonsoir, on est bien sûr avec le Motoball. Juste après la pub, on revient avec Alain Lempereur. Alain, le grand rendez-vous pour cette saison 2017. Ça sera, et peut-être que c'est une nouvelle, hein, ça sera le samedi 20 avril. On recevra au Confine dans la deuxième journée du championnat de cette élite 1, Holgat. Peut-être que c'est la façon un petit peu d'offrir du spectacle et peut-être une première victoire à domicile qui est très importante quand on porte ce titre champion de France devant son public. Est-ce que Monteux évoluera avant l'ouverture de ce championnat à Monteux? C'est difficile de trouver déjà des matchs amicaux, donc on va faire un truc en interne, puisqu'on a suffisamment de joueurs cette année pour travailler en interne. Et puis ça sera une belle rencontre, parce que ce sera les deux champions de France qui vont se rencontrer ce jour-là, deuxième division et première division. Donc ça sera un match de champions de France. Et oui, c'est sûr que le début du championnat va être difficile, parce que nous allons à Vaugencourt, on reçoit Holgat et on va à Troyes. Et puis après, vous recevez quand même Neuville à domicile. Quoi. Le deuxième match, c'est le 5, ça sera déjà le 20 mai, et ça sera à domicile face à Neuville. Là, ça va être quelque chose aussi. Mais n'importe comment, comme je le répète, il n'y aura pas de petits matchs. Oui, il n'y aura que des gros matchs. Cette année, il faut surtout essayer de perdre le moins possible à la maison. C'est important d'avoir beaucoup de joueurs qui vont pouvoir être polyvalents. Pour un championnat comme ça, de vraies doublures, on va dire. Cette année, le règlement, je ne sais pas pour qui il va être, mais ils ont sorti un règlement extrêmement compliqué. Déjà que les arbitres avaient du mal à sortir trois cartons, ils ont sorti un quatrième carton cette année. Il est de quelle couleur celui-là? Il est bleu. Ah. Il est arc-en-ciel, il va être bleu. Il va servir à quoi celui-là? Je sais. Celui-là, il va être. Eh bien, en fin de compte. On n'a pas trop encore d'idées. Ce qui va servir, par contre, celui-là qui va le prendre, c'est qu'il a fini le match. Il prendrait un carton bleu, je ne sais pour quelle raison. Il ne sera pas pénalisable, il ne sera pas suspendu le prochain match, mais s'il le prend au bout de 5 minutes, c'est fini pour lui. Tu joues quelques joueurs en bruit. Je pense que les mecs qui ont inventé ça, ce sont des anciens de la Fédération française de rugby à 13, qui avaient été virés avec le nouveau bureau, Ludo. Et on a une paire de noms. Vas-y, Ludo. On a une paire de noms à vous soumettre. Nous, on les connaît, les mecs qui font ça. J'écoute parce que je connais pas du tout le motoball, donc je reste attentif et attentionné. On connaît les mecs qui sont capables de prendre ce genre de règlement et. Eh bien, ils sont en train de se mettre au règlement Europe. On était un petit peu en retard, allez, au niveau. C'est pas qu'on est en retard, c'est que aujourd'hui on va nous mettre des cartons supplémentaires et on va avoir l'arbitrage à la française. Sauf que lorsqu'on va se retrouver au championnat d'Europe, c'est l'arbitrage à l'européenne. Moi, je veux bien qu'ils se mettent à la page pour les cartons, mais il faut se mettre alors à l'Europe pour tout. Il y a toujours cette participation très importante financièrement pour pouvoir jouer l'Europe, ou le championnat de France est invité à jouer l'Europe cette année. Vous auriez pu être invité? Non, pour l'instant, il n'y a aucun calendrier qui fait qu'il y ait quoi que ce soit en Europe. En plus, aller en Russie nous conviendrait parfaitement, mais je ne sais pas si on reviendrait. on a un grand spécialiste de la Russie, mais on ne va pas l'interroger. Il y a des types qui vont pour 5 jours en Russie, peut-être que pour te donner des tuyaux. Ils vont voir la dacha. C'est gentil, on prendra tout. C'est ça, Didier. Les poupées qui s'emboîtent. Revenons plus sérieusement, c'est vrai, c'est bien dommage, quoi, parce que quand même le motoball maintenant, dans les girons européens, ça se joue un petit peu de partout, je veux dire. Hein. Ah oui, cette année, je crois que la France a l'avantage qu'il y ait une équipe supplémentaire. Je crois qu'ils sont 7. En Hollande, je crois que c'était 6. Donc, 7 pays qui vont descendre en France, ça va être un championnat extraordinaire. Il va y avoir 2 jours à Valréas et 3 jours à Camaret. Ça va attirer beaucoup, beaucoup de monde. Hein. C'est l'équipe et de France qui joue là. Hein. C'est l'équipe de France, oui, ça va être un très beau spectacle. Justement, Alain, la confidentialité de ce sport, parce que nous, on connaît, parce qu'on est d'ici. Ludo et moi, on est issus d'un sport pareil, ultra confidentiel. Comment on peut se sortir de ça? Comment on peut intéresser les gens? Parce qu'on a vu quand il y a une affiche à Monteux, il y a vite 4 ou 5 000 personnes qui sont en folie. Passer jusqu'à Valréas, après on n'en parle plus, jusque dans le Nord et en Normandie. Comment on peut sortir de ce truc-là, Alain? Trois, ils ont un avantage sur nous, c'est que une fois par mois, ils ont un reportage sur le motoball. Donc, passer déjà dans les réseaux télévisés, c'est extraordinaire. Et puis, il y a des retransmissions de matchs. C'est, même si ce n'est que des petits morceaux, c'est toujours bon pour l'équipe qui est là. Et nous, le problème, c'est que nous sommes 7 clubs dans le Vaucluse. On a un petit peu descendu, Alain, parce que bon, on peut parler d'il y a 30 ans en arrière, quand il y avait les fameuses Coupes d'Europe qui descendaient les Russes, qui descendaient les pays nordiques. C'était quelque chose, il me semble que c'était plus médiatisé. On a perdu un petit peu de part de marché au niveau médiatique de ce sport. Je sais pas, j'ai pas trop connu, parce que bon, moi, ça fait quelques années que je trempe dans le motoball. Mais je me souviens de Camaret qui jouait face aux Russes, Valréas qui se déplaçait en Slovénie, voilà quoi. Mais franchement, j'invite tout le monde, même s'ils ne viennent pas à Monteux, mais d'aller voir un match de motoball, parce que c'est extrêmement prenant. Ah ouais, monsieur, je peux confirmer. Aujourd'hui, j'ai du mal à aller sur un terrain de football parce que je ne me reconnais plus du tout dans le football. Et par contre, aller voir un match de motoball, il y a beaucoup de choses qui rentrent. On voit des buts, mais extraordinaires, qu'on ne voit plus aujourd'hui dans le football. On le voit avec des motos, ce qui est quand même autrement plus beau que d'aller voir l'OM aujourd'hui. Hein. Allez, on va faire un petit tour de table juste avant de nous quitter. Le premier rendez-vous au Confine, ce sera bien au mois d'avril, où il y aura un petit match juste avant de coupe. Premier rendez-vous de cette année, c'est le 1er avril. C'est le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril. 8e de finale de la Coupe de France et on reçoit le club prestigieux de Neuville-de-Poitou. Eh ben c'est un grand rendez-vous. Avec ses 3 internationaux. Jean-Yves ? Non, mais on y sera. Ce soir ? On y sera dans tous les cas et ça serait bien qu'on puisse vivre la même épopée que la saison dernière pour se régaler autant et assister à une finale à nouveau. On y croit. Ouais, mais écoute, je vais essayer d'aller voir ça, puisque monsieur m'en a donné envie, donc pourquoi pas. Didier Bougon, arrivé tout droit de Russie. Bon, ce que je souhaite, c'est que nos Vauclusiens, le dimanche 5 février, puissent qualifier le maximum d'athlètes pour les France qui auront lieu à Saint-Galmier, fin février. Voilà. Fin février, ce sera du côté de Saint-Galmier, ce sera le champion de France, de cross-country. Puisque je vais partir carrément sur du motocross, bon, vous avez vu, c'était... Ah ben tu peux, avec Serghini, peut-être que... Mais bon, bref. Bon. Messieurs, ben, merci Alain. Vive le motocross à Monteux. Tu nous as fait très plaisir de nous éclairer, parce qu'on avait eu très très peur à un certain moment, mais on est très heureux que le champion de France sera bien au départ de la saison 2017, pourquoi pas, un deuxième titre. Nous verrons. Ça sera la surprise. Merci messieurs. Hein. Merci. Bonne soirée. Bye, à très bientôt. Bye. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béduci, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.beduci.fr.